week-end. Dans une famille pauvre, cette gosse dans un HLM. Ses parents immigrent pour la France, il n'a alors que 3 printemps. Il y passe toute son enfance ainsi que son adolescence. Il rencontre la femme de sa vie et s'y consacre à plein temps. Envie de fonder une famille, mais la sienne a besoin d'argent. Se casse le dos à la mine pour quelques pièces qu'il reverse. Il est seul face à ses problèmes, il n'a pas besoin des gens. Mais son aide est sollicitée, bien souvent à l'inverse. Ensemble ils évoluent jusqu'à se stabiliser, préparant notre avenir avant même qu'on ne vienne au monde. Économisant et tentant toujours de rentabiliser leurs efforts, efforts de ne partir de rien et d'aller si loin. 15 piges après ma naissance, je ne manque de rien. Je leur dois mon enfance dans l'insouciance si serein. Mais je n'ai pas su me diriger, pourtant j'avais les cartes en main. Et j'étais si tranquille hier que je crains le pire pour demain. Mais dis-moi, où suis-je maintenant? Son possé si dur et je ne suis nulle part. Dis-moi, où suis-je maintenant? Dis-moi, où suis-je maintenant? Les ombres c'est si dur et je ne suis nulle part. Où suis-je maintenant? 2001, Dr. Dre sort l'album de tous les temps. De fil en aiguille, je comprends que je suis fan de hip-hop. Un peu long à la détente, je m'y lance en dilettante. Crée des beats sur DJ et je me crois déjà au top. Puis mes goûts diversifient, je découvre la beauté du piano. Collabore avec mon poteau pour créer quelque chose de nouveau. Puis je m'y mets, ça devient propre, ça sonne de plus en plus pro. Pas un seul MC motivé pour poser sur mes prods. Donc je me lance dans l'écriture en partant sur un délire. Et au fil des mesures, réalise que la vie m'inspire. Remesqueuse, samouraï, quelques avis positifs en téléchargement gratuit sur le net et c'est parti. Je crée de plus en plus et j'ai des amis artistes qui acceptent de poser sur mon dernier projet en date. L'arme fatale sur iTunes, un album où je m'investis. 5E18, putain de titre, j'y croyais désormais, je me dis. Mais dis-moi, où suis-je maintenant? J'ai bossé si dur et je ne suis nulle part. Où suis-je maintenant? Dis-moi, où suis-je maintenant? J'ai bossé si dur et je ne suis nulle part. Où suis-je maintenant? Je fête la nouvelle année avec une nouvelle rencontre. Et pas des moindres, elle a ce genre de sourire qui rend con. Elle me plaît, je m'en rends compte. J'avais des projets en tête, mis de côté sur le coup. Oui, on peut dire sur un coup de tête. Je voulais me barrer d'ici, réoxygéner mon moral. Dans mon crâne, c'est le bordel depuis quelques mois déjà. Mais une rose dans mon jardin réveille mon instinct d'artiste floral. Et je veux prendre soin d'elle, puisqu'elle a évincé l'aura de mon esprit. Je suis captivé par son aura. Je la connais pas si bien en fait, mais je suis envoûté. Pour être honnête, mes projets de voyage, je m'en foutais. Mais la morosité de l'ambiance ici il me rattrape, provoque un joli mal de crâne. Et bien qu'elle fume mon doliprane, j'ai besoin de soigner le mal à la source. Et même si tout ce que je désire c'est qu'elle me prenne dans les bras, je me dois d'avancer et faire les choses à ma sauce. Dis-moi, où suis-je maintenant? J'aurais pu me construire mais je ne suis nulle part. Dis-moi, où suis-je maintenant? Dis-moi, où suis-je maintenant? J'aurais pu me construire, mais je ne suis nulle part. Dis-moi, où suis-je maintenant?